La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Ouverture d'un bar clandestin dans mon sous-sol ce soir. J'ai Netflix, du rhum, des coquillettes et même du PQ. Tu viens? Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Je vois que vous avez un masque. Moi, ma question, c'est ça, c'est rencontrer les gens et leur demander, tiens, vous portez un masque, puis il y en a d'autres qui ne portent pas le masque. Comment ça se fait que vous portez un masque? C'est obligatoire. Pas dans l'espace public, hein? C'est obligatoire, vu que la maladie, elle est partout. Mais vu qu'ici, on nous prend pour des cons, alors vaut mieux mettre un masque. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ou dans les écoles, ou dans les hôpitaux, tout le monde doit mettre un masque. C'est la règle pour tout le monde. Je ne vois pas comment on ne peut pas attraper le coronavirus dans les stations de métro et pas dans la rue. C'est pas logique. L'État nous prend pour des cons, il faut qu'on se réveille. C'est tout. J'entends bien, mais... Soi-disant, ils ont volé 1 800 masques à Liège. Ils nous vendent les masques à 1,20 €. Et les gens qui n'ont pas d'argent, ils font comment, eux? Comme moi, je suis handicapé, je fais comment? Obligé à les voler ou quoi? C'est pas comme ça qu'il faut faire. On doit tous être soudés. Ils disent que la maladie vient de Chine. Pourquoi ils achètent des masques chez les Chinois? C'est quoi cette couille? Ils nous prennent pour qui, ceux-là? Ça va pas. Il faut que les Belges ils se réveillent. On n'est pas des pigeons. Hein. Mais je suis d'accord. Mais ça veut dire que... Mais moi, je suis étranger, je peux rien dire. Mais pourquoi? Mais parce que moi, j'ai 6 enfants qui sont nés sur cette terre ici. Donc, je suis autant belge que n'importe qui. Je dis ce que je pense. Que l'État nous prend pour des cons. Vous allez voir, après l'épidémie, les ministres, là, ils vont cavaler. On va plus jamais entendre parler d'eux. Mais nous, on est toujours sur le terrain. Nous, les citoyens, on va mourir ici. Et quoi? Et tous les gens qui ont perdu leur commerce, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les gens qui ont perdu leurs proches, on fait quoi d'eux? Demain, on va les oublier? Non, c'est pas comme ça. Faut pas que ça reste comme ça. Il faut surtout pas suivre les Français. C'est des hypocrites aussi, double face. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Macron, il pense qu'à ce qu'il y a autour de lui, pas qu'est-ce qu'il y a dans son pays. C'est comme si il divise la France en deux. Vous trouvez ça normal? un côté, ils peuvent sortir, de l'autre côté, c'est comme une dictature, c'est comme une prison à ciel ouvert. Bon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous m'avez demandé de dire ce que je pense, voilà, je vous dis. Mais évidemment, mais du coup, je me disais... Ils nous prennent pour des cons, madame. Il faut qu'on se réveille. Et pour se réveiller, il faudra qu'il y ait des blessés, il faudra qu'il y aura beaucoup de choses pour que les choses ils avancent. Parce que dès qu'on parle, on reçoit... On marche dans la rue, si vous faites une petite gaffe de merde, vous ramassez 250 euros d'amende. Et toutes les gaffes qu'ils ont fait là, tous les masques qu'ils ont volés, tous les trucs qu'ils nous ont menti, combien ils doivent payer de millions d'euros alors? Et déjà, de un, pourquoi tous les gouvernements de Belgique ne donnent pas, ne fût-ce que 5% de leur salaire? C'est l'équivalent de quelques milliards à long terme. Ça, ils le font pas, ils veulent même pas en parler. Chez nous, au Maroc, ils le font. Hein. Pourtant, on est pauvres, hein, mais bon. Qu'est-ce que, chez vous, au Maroc, c'est-à-dire? Chez nous aussi, le coronavirus, il est partout dans la planète, il n'est pas qu'en Belgique. Hein. Chez nous aussi, il y a beaucoup de ministres qui sont... Ah non, pas partout dans la Belgique. Non, la demi du monde, quoi, et c'est arrêté. C'est dans, à part dans les Amazones, c'est les trucs, ouais, mais sinon, dans la généralité où il y a de nouveautés, il y a partout le coronavirus. Mais ça, ils ne le déclarent pas. Et voilà. Et vous savez, moi, mon point de vue personnel, le coronavirus, c'est un humain qui l'a lâché. C'est pas une maladie animale ou une maladie comme ils nous prennent pour des cons. Parce qu'il suffit juste doué d'intelligence. C'est une maladie qui a été transmise par quelque chose pour, je sais pas, un génocide, un truc économique. On va jamais savoir la vérité. Donc on sera toujours des pigeons. Mais non, il faut pas dire ça. On sera pas toujours des pigeons. À un moment donné, comme vous dites, les gens, ils vont en avoir marre. Hein, ils vont aller dans la rue. Au début, quand ça a commencé l'épidémie, c'était 50 morts par jour, 80, puis c'est monté à 100, puis c'est monté à 200, puis c'est à 500. Et puis tout d'un coup, maintenant qu'il y a le déconfinement, c'est redescendu à 50. Mais ils nous prennent pour des cons. Ils nous disent jamais la vérité. C'est normal que ça redescende et qu'il y ait des confinements. Ça veut dire que le pic est redescendu. Madame, le confinement, il y a 50% des Belges ne l'ont pas respecté. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un qui dit « voilà, le remède, il est là, on l'a trouvé ». Donc, on n'est pas con. Donc l'épidémie, il est toujours là, le virus, il est toujours là. Ne viens pas me dire qu'hier, il y avait 500 morts, aujourd'hui, on n'a que 40. Pourquoi? Ça veut dire que les 100% des Belges, ils sont restés à la maison. C'est impossible. Moi, je donne un grand respect, un très très grand respect aux hommes des hôpitaux. Eux, c'est les vrais soldats. Aux éboueurs, eux, c'est des vrais soldats. Aux ceux qui ont leur petit commerce, qui essaient de s'en sortir, eux c'est des vrais soldats. Des gens comme vous, les journalistes, eux c'est des vrais soldats. Mais tout le reste du gouvernement, c'est eux, on doit les enfermer. On doit les changer tous, si on veut qu'il y ait un nouveau monde plus tard. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais en tout cas, les hommes des hôpitaux, franchement, parfois quand je les vois, j'ai envie de pleurer. Pourtant, je suis un homme. Mais bon, je leur donne mon soutien. Mais donc vous, la conclusion de tout ça, c'est de dire... Vous êtes fâché là, hein. Vous êtes fâché et... vous avez raison, je ne discute pas de ça, je veux dire, vous avez raison. Moi, je suis pas... J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, je dis ce que je pense. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes fâché et que vous ne croyez pas complètement tout ce bazar, quoi. Il n'y a personne qui croit, madame. Moi, je dis juste tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il n'y a personne qui croit, hein. Ceux qui croient, c'est que c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont. C'est pour l'argent. Mais allez demander à un vrai Belge qui vit vraiment dans la campagne ou quelqu'un qui a un travail, une responsabilité. Il va vous dire que ça va pas ou quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez, moi j'ai une voiture, je dois prendre le train pour aller travailler. Pourquoi? Parce que je peux me faire contrôler à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Mais si j'ai pas de raison valable, on va me coller l'amende. Bon, moi dans le train, je suis dans le service public. Je comprends pas là ce que vous voulez dire. Moi, je travaille à Bruxelles. Okay. Donc moi, si moi je vais en train, je peux dire que je dois obliger mentir. On va dire aller voir quelqu'un, voilà, j'ai pris les trains et tout. Ma voiture, elle est là, c'est l'humeur là-bas. Donc moi, si on m'arrête avec ça que je dis là-bas, ils ne vont jamais me croire. Donc je vais ramasser des amendes automatiques, je dois me faire tout petit. Les Belges, ils doivent se faire tout petit, on doit fermer notre gueule, on ne doit plus parler. Excuse-moi, je suis con, hein. Je suis con, mais j'ai pas compris la différence entre votre voiture et le train. Il y a des contrôles partout, des barrages partout. Non mais moi j'en ai encore jamais vu. Hein. Vous en avez vu, vous? Vous en avez vu? Si, j'ai une fille de 21 ans et un garçon de 20 ans. Ils ont déjà ramassé tous les deux fois 250 euros d'amende, juste parce qu'ils étaient dans la rue, ils allaient au parc, soi-disant que c'était légal. Mais ouais, mais s'ils n'avaient pas de motif légal, non, amende. Tout le monde a reçu des amendes. D'accord, là j'entends bien, mais... 60% des citoyens belges ont reçu des amendes. Et c'est parfois, énorme ça. C'est même pas justifié. Depuis quand on nous interdit de sortir? Ben alors... Au début, il fallait nous dire de mettre un masque, on serait sorti au début comme ça. Pourquoi vous ne nous avez pas donné? Parce qu'en fait, vous les avez brûlés, vous avez tout massacré, à la fin, vous nous avez baisés. Alors, pourquoi au début, vous n'avez pas dit mettez un masque, mettez des gants, et faites comme maintenant? Ça a changé quoi? On aurait eu peut-être moins de morts. Et la différence entre votre voiture et votre train? Là, je ne comprends pas. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Les trains, ils font voilà, pas attention. Voilà. Vous voulez dire qu'avec les voitures, il y a plein de contrôles, tandis que... Okay. Ils visent surtout les véhicules. Ok, d'accord. Même un reportage, ils ont arrêté un type avec une truc roulant handicapé. Ils lui ont fait refaire demi-tour. Donc moi, je prends pas le risque. Ok, j'ai compris. Voilà, mais dans le train, non. Le train, il vous laisse tranquille, vous voit avec le masque et tout, il vous dit voilà, c'est bon. Ils visent pas les gens du train, parce qu'ils savent que les gens du train, ils ont pas beaucoup d'argent, vu que c'est gratuit. Ils visent les gens des voitures, parce qu'ils ont de l'argent. Bah, le train, ça coûte cher quand même. Hein. C'est gratuit, madame. Non, c'est pas gratuit. Jusqu'avant le déconfinement, c'est gratuit. Bah écoutez, moi, entre... Ah, il n'y a pas de contrôle, c'est voilà, ça que vous voulez dire. Voilà, je veux être sincère avec vous. J'ai été hier, avant-hier à Bruxelles et aujourd'hui. Les trois fois, j'ai demandé au conducteur, j'ai pas de ticket, mais il m'a dit, c'est bon, avec le confinement, on vous laisse. Bon courage à tous. Donc ça, c'est un geste d'un citoyen belge. C'est pas un politicien qui m'a fait ce geste, c'est un citoyen simplement, honnêtement, qui m'a dit, c'est bon. Il a pris la responsabilité. Donc moi, je prends le train. Ça m'économise l'essence, ça m'économise les contrôles. C'est comme si on va dire, on s'entraide entre nous seulement, entre les citoyens. Le gouvernement n'en a rien à foutre de nous, crève. Alors je me mets avec les citoyens dans le train. Même s'il faut, je vais remettre les plaques, je ne vais plus payer de taxes de roulage, je ne vais plus rien payer, je ne vais plus rien savoir. Je vais acheter un vélo électrique et c'est bon. C'est bon ? Merci, monsieur. C'est un bon, hein ? Merci. Non, mais c'est bien. Bonjour. Je peux vous poser une question ? C'est pour la radio. C'est anonyme. Bonjour. C'est pour la radio. C'est anonyme. Je peux vous poser une question ? Ça prend pas longtemps. Allez, juste pour rigoler, quoi. Sur un média alternatif, je vous donnerai la petite carte après. Mais tiens, je vois que vous n'avez pas de masque. Non, mais moi, je suis pas de la police, hein. Mais expliquez, parce qu'il y en a qui paniquent, il y en a qui l'ont, il y en a qui le mettent à moitié. Comment est-ce que vous expliquez la chose ? Ah ben, qu'il y a plus de gens qui paniquent que d'autres. Ils font un petit peu une psychose, là. Et voilà. Vous regardez les choses un peu de loin, cool. Quoi. On est plus cool que certaines personnes, quoi. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Mais d'accord, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter les paroles des gens. Mais vous vous en foutez, mais comment vous expliquez ça, quoi ? Les médias, je suppose que vous regardez quand même les médias ? Je suppose que les médias exagèrent un petit peu. Moi, je travaille dans une école avec du Lettol et de Javel, donc on est à l'abri de rien, mais on fait quand même attention, quoi. On ne va pas aller se mettre où il ne faut pas non plus. On est quand même conscient du truc, quoi. Voilà. Vous trouvez que les médias exagèrent, quoi ? Je pense. Ils ont tout ce qu'il faut pour sortir de là, ils ne font rien. Enfin bon. C'est-à-dire ? Ah ben je pense que le vaccin est déjà dans le laboratoire depuis longtemps et qu'ils attendent un petit peu, histoire de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses, quoi. Malheureusement. Et tous les petits conspatchs, comme on dit. Hein. Je pense que, enfin, on verra la suite de l'histoire. J'espère que ça ne va plus durer trop longtemps parce qu'on aimerait bien reprendre un rythme de travail, un rythme de vie normal. Votre rythme et votre vie a été chamboulé ? Parce qu'il y a des gens qui ont continué à travailler, évidemment. Ah oui, mais moi, comme je travaille dans une école, que je vais nettoyer juste les toilettes et la garderie, que les enfants sont dans le réfectoire, c'est tout ce que je fais sur ma journée. Il n'y a plus de classe à nettoyer. Je travaille pour 2 heures par jour maintenant. Avant, c'était 8 heures, quoi. Donc voilà. Après, je vous laisse. Mais quoi, du coup, toi qui es plus jeune, là c'est ta maman ? Ah, voilà. Comment vous qualifieriez, comment la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est une grosse rigolade ? C'est une grosse manipulation ? C'est une grosse manipulation parce que je vais le dire, c'est dégueulasse de le dire, mais ils font disparaître les vieux, comme ça ils n'ont pas à payer plus de pensions. C'est tout, c'est dégueulasse, ça se fait pas. Donc voilà. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Mais c'est énorme quand même c'est vrai qu'on est dans... C'est énorme de penser ça quand même. Hein. Oui. Oui, parce qu'il y a d'autres maladies qui font plus de... La route fait déjà plus de tués que le coronavirus. Et ça, ils s'en foutent complètement. L'alcool, la drogue, la grippe saisonnière, là, je ne sais plus quoi, la grippe espagnole, on fait beaucoup plus de décès que ça. Ici, on fait un foin pas possible, quoi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dangereuses, qui traînent depuis des années et que les gens s'en foutent complètement. Quand on regarde déjà, ils remettent déjà... ils mettent le déconfinement, alors qu'en Chine, ils ont déjà la deuxième vague. On n'a même pas encore fini la première, la deuxième va arriver, on va être reconfinés, et puis ça va encore repartir de plus belle, on va encore retrouver plein de masques partout, plein de gants, c'est dégueulasse, c'est tout, la population, c'est des baraquis. C'est la population qui est des baraquis ou bien c'est le politique ? Le politique. Les deux ? Ouais, les deux. Et toi, tu te situes où ? Entre les deux. T'es pas baraquis, toi ? Non, pas du tout. Je fais quand même attention, il y a quand même des poubelles, donc mes masques et mes gants, ben, je les mets dans la poubelle, c'est la moindre des choses. Parce qu'après, on viendra dire que ben, c'est les humains qui sont dégueulasses. Ouais, ben, y a certains humains qui ne le sont pas. fait tout. La race humaine est la pire des races. Hein. C'est ma conclusion aussi. Dans le potager, il vaut mieux attendre après les seins de glace pour planter ses légumes. Vous dites ? Pour les haricots. Oui, pour les haricots, pour les choux, pour les courgettes, pour les salades. Tout ce qui peut geler. Voilà. Tout ce qui peut geler. Voilà. Et donc, venons-en à ma question. Je regarde si j'ai bien allumé mon truc. Voilà. Et donc, c'est masque, pas masque. Masque, pas masque. Je vois que madame a un masque. Vous avez un masque rigolo d'ailleurs, hein, fait penser un peu à un bec de canard. Ouais, parce que je l'ai acheté en pharmacie et voilà, je sais qu'ils sont conformes et c'est pour ça que j'ai ce genre de masque. Et vous, monsieur, vous n'en avez pas ? Si, j'en ai un, mais je le mets que pour rentrer dans les magasins. Oui, parce que dans certains magasins, c'est obligatoire. Tout à fait. Tout à fait, mais quel que soit le magasin, que ce soit obligatoire ou pas obligatoire, lorsque je vais rentrer, je vais le mettre. Mais pas en dehors. En dehors, je fais attention près de qui je suis et pas être trop près d'une personne ou d'une autre personne. Mais c'est rigolo parce que là, on est proche. Hein. On est proche, oui. Mais donc, c'est rigolo comment chacun se raconte sa petite histoire. Donc, on a compris que dans les trains, c'était obligatoire, les transports en commun. Dans le magasin, c'est selon la volonté, je crois, du gérant, voilà. Et dans la rue, heureusement, c'est pas encore obligatoire, mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui prennent l'initiative de porter un masque. Et donc ma question, c'était de dire, comment vous voyez la chose ? Comment ça vous parle tout ça ? Comment vous avez appris cette nouvelle ? Enfin voilà. Mais pour limiter la contagion, hein, pour ne pas dire un autre mot, je trouve que c'est important. Mais si on fait bien attention à soi et aux autres, évidemment, ben, il y a moyen de limiter le port du masque. Ça, c'est mon impression. Donc, conclusion de tout ça ? Conclusion de tout ça, mettre le masque, mais en temps opportun. D'accord. Mais vous dites ? Bien se laver les mains. Bien se laver les mains. C'est primordial, c'est dès qu'on sort, on rentre, on se lave les mains. Mais donc vous êtes... Moi j'avais envie d'entendre vos mots quand vous avez appris tout ça dès le début, quoi. Et tiens, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Comment vous voyez la politique ? Comment, comme ça, dans des grosses lignes ? Mais je suis les informations tous les jours depuis le début. Et quel poste de télévision ? La RTB le midi et RTL en fin de journée. Ah oui, donc vous carburez à fond dans les médias, quoi. On peut dire ça, ouais. Oui. Et ça va, vous vous portez pas trop mal ? Non, je vais bien. C'est hyper, comment dire, corona, non ? Mais chez nous, le confinement, ben, on s'y adapte, on s'y est vraiment adapté. Franchement, moi, ça ne me fait pas... Au début, c'est vrai que ça m'a fait peur, mais maintenant, bon, ben, voilà. Je n'ai pas encore retrouvé les magasins qui sont ouverts depuis hier. Et je me suis dit, c'est pas encore maintenant. Que du contraire, je crois que j'ai fait un peu d'économie depuis. Pourquoi ? Parce qu'il y a du monde ? Vous n'y allez pas, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. Parce qu'il y a du monde et que, bon, je ne trouve pas de nécessité. Avant, c'est vrai qu'on avait des pulsions. Enfin, moi, j'avais peut-être une pulsion pour un truc que j'ai vu en vitrine ou quelque chose comme ça. Ben, c'est vrai que depuis 2 mois, je les ai oubliés et ça ne m'attire pas. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, tout compte fait, ben, j'ai dépensé beaucoup d'argent inutilement. Donc le corona crée des économies, quoi, oui, pour vous. Pour moi, oui. Ah oui, j'ai mis de l'argent de côté. J'imagine que tous les gens aussi, non. Puisqu'ils ont été confinés. Chez eux, sûrement. Chez moi, oui, parce que c'était dans le but même, l'argent que j'ai mis de côté, c'était dans le but de faire un petit voyage, un peu de vacances, en fin d'année. Qu'autrement, peut-être que je ne l'aurais pas fait. C'est vrai que vous auriez pu le dépenser via, virtuellement. Il paraît que Amazon a explosé dans ses ventes. Vous avez entendu ça ? Non, oui, mais nous, moi, c'est plus les magasins en ville. Je fais vivre le petit commerce et tout ça. Non, jamais. Par Amazon et tout ça, non, jamais je ne fais ça. Et vous, monsieur, alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour finir ? Moi, je ne mange pas plus, je ne bois plus, pas plus qu'avant. Hein, c'est la même chose. Mais je prends quand même du poids parce que je reste un maximum à la maison. Et quoi, c'est bien, c'est pas bien, ça ? Mais de prendre du poids, pas tellement. Mais... Et quoi, maintenant que c'est le déconfinement, ça y est, vous remettez en route ? Pas encore. Pas encore. Je sors encore uniquement pour faire mes courses. Je vais encore attendre un peu. Pourquoi est-ce que je vais encore attendre un peu ? Parce que les mesures de confinement se font de semaine en semaine. Mais les mesures de déconfinement. De déconfinement, pardon, se font. Ah, il faut suivre, hein. Se font de semaine en semaine. Mais le temps d'incubation, lui, est de 15 en 15 jours. Voilà. Donc il y a un peu un anachronisme là-dedans. Allez, une dernière question. Est-ce que vous avez peur de mourir ? Parce qu'au bout du bout, le corona, le Covid, tout ça, ça a fait très peur. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Au fond, si on va gratter, c'est quand même la peur de mourir. Je vais vivre jusque 98 ans et demi. Donc, voilà. Pas peur. Et vous ? Moi, je dois quand même faire attention parce que je suis justement dans un certain âge où je dois faire très attention. Et que j'ai un petit-fils qui vient d'avoir 3 ans et que j'ai envie de voir d'autres petits-enfants. C'est le seul que j'ai et que j'ai envie de voir naître les autres, voilà. Parce que je suis dans un certain âge. Bah oui. Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va, très bien. Donc, ma question, c'est toujours un peu la même. Hein. Je vois que vous avez un masque et un masque fait maison. Qui vraiment cache tout votre visage. Hein. Oui, mais c'est important quand même, surtout mon âge, j'ai 76 ans, donc je dois me protéger quand même. Et donc, vous devez vous protéger de quoi exactement ? De ce qui court pour le moment. C'est-à-dire ? Le coronavirus. Voilà, et qu'est-ce que c'est ce coronavirus ? Je suppose que c'est une infection quand même, quelque part. C'est ce qu'ils disent, un peu plus que grippe, quoi, voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est les médias, ça ? Oui. Vous regardez quels médias ? Je regarde à la télévision. Hein. Vous dites ? Je regarde à la télévision. Et quelle télévision ? Oh, je prends surtout RTL, que j'aime bien, oui. Voilà. Et quoi, vous croyez ce que vous entendez, j'allais dire ce que vous voyez, mais vous le voyez d'une petite lucarne, quoi, en même temps. Hein. Ben, oui, bien sûr, il faut faire confiance, on ne sait pas... Hein. On n'est pas là pour juger non plus, hein, c'est vrai. Ils font ce qu'ils peuvent, malgré tout, hein, pour nous communiquer, donc voilà. Ok, vous faites ce qu'on vous dit, quoi. En principe, oui. Vous n'avez pas plus envie de vous poser des questions par rapport à tout ça ? Non, pas du tout, non. Ok. Que dire d'autre, alors ? Rien. Pour rigoler... Vous dites ? Il faut patienter et faire un effort, tout le monde de son côté, quoi. Voilà. Vous connaissez le jeu Jacques a dit ? Jacques a dit... Oui, mais... Si, par exemple, si la télé vous dit des choses à faire qui sont impossibles, vous le feriez ? Jusqu'où vous êtes prêt à obéir, quoi ? Obéir, mais à un certain niveau, quoi. Il y a des limites quand même ? Il y a quand même des limites, oui. Donc vous ne prenez pas l'information ? À 100%, non, quand même pas. Non. Ouf ! Je vois que vous avez tous les deux un masque sur votre visage. On voit que vos yeux, quoi. Pourquoi vous mettez un masque ? Pour se protéger du coronavirus. Ah, parce que y a vraiment y a vraiment le coronavirus, quoi. Oui. Mais vous savez que c'est pas obligatoire dans l'espace public. Mais oui, parce qu'on dit qu'à partir du confinement, obligatoire le masque. À cause de ça, que nous on met pour protéger. Mais et moi, je vois que pour nous, si on fait respecter les règles, 4 heures, après 4 heures, on doit jeter. Donc, pour nous, on ne saurait pas le faire. Parce que nous, on n'a pas de moyens de changer tous les 4 heures. Le masque. Le masque. On ne saurait pas le faire. Donc, mais oui, mais. Si, donc... par exemple, j'ai déjà utilisé hier, et nous faisons les courses qu'on a fini, on pend comme ça, et voilà. On le pend, c'est ça, tu le pends. On pend. Donc maintenant, j'ai utilisé deuxième fois, après, quand je rentre à la maison, c'est là que je vais mettre la poubelle. Mais c'est pour ça que je vous dis, le masque, paraît-il, il n'est pas obligatoire dans l'espace public. Il est obligatoire quand tu prends le train, le bus, ou limite quand tu vas au magasin, ça c'est selon le gérant. Mais là, maintenant, quand tu marches, normalement, c'est pas obligatoire. Ah, ok. Ok, ça va, alors, maintenant, c'est clair. Donc, quand on va prendre le bus ou le train, on va essayer de mettre le masque. Parce que vous obéissez, vous faites tout bien comme on vous dit, ou quoi, c'est ça? Oui. Et donc, si on vous dit de vous jeter dans le lac, vous allez vous jeter dans le lac? Non. Jusqu'où vous êtes prêt à obéir? Je sais pas. Moi, mais de toute façon, pour le moment, j'ai peur. J'ai peur tout. Ah oui, c'est vrai? J'ai peur tout, donc jusque tout est en ordre, qu'il n'y a pas de virus ou quoi, j'ai porté le masque. Voilà. Parce que tu as peur d'attraper le virus? Voilà, c'est ça. J'ai peur d'attraper le virus, mais comme il est visible, on ne sait pas... Invisible? Invisible, donc c'est difficile. C'est difficile. Et quoi, donc, ça veut... On vivra la peur maintenant. On a peur. Vraiment? Oui, oui. Toi aussi? Un petit peu. Un peu moins que ta maman? Oui. Un peu moins que ta maman? Oui. Et donc c'est la peur, pourquoi la peur? La peur de mourir? La peur parce que... Au fond, la peur de mourir? Ce n'est pas la peur de mourir parce que tôt ou tard on va mourir, tout le monde va mourir, mais... Ça m'a fait peur quand même si on mourit brusquement comme ça à cause d'eux. C'est ça qui m'a fait peur. Parce que ma fille, elle a encore besoin de moi. Donc, ça, j'ai dit, je dois faire attention. En plus, moi, je suis diabétique type 2. Donc, je dois faire attention. Ok. Mais voilà, que dire d'autre de plus sur tout ça? Je sais pas. En tout cas, sachez, moi j'ai pas la réponse. Hein. Je me pose aussi des questions sur les gens qui ont un masque, pas un masque. Ça fait un peu peur, moi, surtout de voir tous ces gens qui portent un masque, des fois même dans la voiture, quoi. Voyez. Oui, oui. Non, ça vous fait pas drôle de voir ça? Oui, c'est drôle. C'est bizarre. Oui, très bizarre. C'est très bizarre, mais on fait ce qu'on dit et voilà. Voilà. Merci à vous. Hein. Merci. Hein. Bonjour. Bonjour. Bah, dites-moi que vous voulez pas parler avec moi, hein, sinon... Pardon, parce que je vois pas... Bonjour, c'est pour la radio, j'ai une petite question, c'est pour du média alternatif. Je comprends pas. Moi. C'est du média alternatif pour la radio. J'ai une petite question. Une question qu'elle a posée. Ben, si vous ne m'entendez pas... Non, j'ai un problème de... Oui, je dois aller les mains... Dommage. ...régler mon appareil. Dommage. Oui. Bonjour, monsieur. C'est pour la... Ça, non? Vous dites? La télévision, non? Mais non, il n'y a pas de caméra, là. Ah, mais c'est... C'est juste pour la radio. Ouais, c'est parce que... C'est sur les masques. Voilà, j'avais envie de... Je sais pas, je vais essayer la première fois que je te parle, mais c'est derrière. Ça va aller. C'est mieux qu'il n'y a pas de caméra, mais... Mais non, on voyait bien qu'il n'y a pas de caméra. C'est parce que je préfère que ce n'est pas la même chose. Ok, n'ayez pas peur donc. Moi, ma question, c'était, je vois que vous portez un masque. Pourquoi ? Voilà, je peux vous dire mon opinion. Ah bah oui. On nous roule dans la farine depuis tout le début parce qu'il n'y a pas besoin de confinement ni de masque. Il ne faut surtout pas faire non plus le vaccin. La chloroquine, donc, est indispensable, mais ça ne rapporte pas assez aux firmes pharmaceutiques. Et alors, je vois d'autres... c'est confus, les trois fraudes de commandes qui ont été fraudées trois fois. Il y a quelqu'un derrière, ça n'est pas logique. On voit le gouvernement, ils sont censés mettre des masques. Les policiers, non. Il y a quelque chose de derrière, une économique. Moi, je trouve, c'est mon opinion, quand je parle avec d'autres gens, voilà, c'est pour l'argent, si vous voulez. On nous cache quelque chose. Donc, c'est RTL qu'il faut écouter comme journal. C'est quoi ? Ben, c'est une chaîne que je n'ai pas, qu'il faut Internet. Mais parce qu'RTL, on m'a dit qu'il camoufle la vérité avec du vrai. Et la journaliste, elle est obligée de mentir. Enfin, voilà. Parce qu'on m'a ouvert les yeux petit à petit, mais je ne raconte pas des salades. Voilà. Comment on vous a ouvert les yeux ? C'est-à-dire qu'il faut une chaîne, je ne sais pas ce qu'il a, que les scientifiques parlent beaucoup plus haut que ce qu'on entend. Ça, c'est des questions primaires. Et oui, le MES, c'est déjà depuis longtemps ce qui se passait. L'OMS, ils ont dit qu'on avait une longueur d'avance, mais ce n'est pas vrai. Ils savaient, on aurait pu réagir longtemps avant. Bon, je peux dire, moi j'ai une rage parce qu'on est en train de nous rouler, oui. Ben, j'entends beaucoup de gens que je ne parle pas avec n'importe qui, mais qui disent la même chose. Il y a autre chose derrière ça. Je ne sais pas si je peux demander votre avis. Enfin, non. Non mais... si, mais moi, voilà, moi, j'ai pas vraiment. Moi, je suis complètement confuse, quoi. C'est pareil. Avant, je n'aurais jamais osé parler. Avant ? Avant, je n'aurais jamais osé parler comme ça, mais. Pourquoi ? Ben voilà, parce que maintenant, je remarque. On n'est pas bête quand on est. Il y a autre chose derrière, mais je ne sais pas bien expliquer tout parce que voilà. C'est pas si. Voilà, c'est mon opinion. Hein, que... mais je suis aussi comme vous. Parce que je vois bien ce qui se passe. Le gouvernement est en train. C'est une question. Ils ne meurent pas tous les personnes âgées non plus du corona. Il y en a. Si on a un bon système déjà immunitaire comme en symptomatique, mais vous n'avez rien, ça se défend tout seul. Et quand on voit depuis le début, les masques sont arrivés beaucoup trop tard, donc ils ont réagi. Il ne fallait pas laisser partir non plus. Vous voyez, les vacances au carnaval. Et on dit que le labo en Chine aurait dégagé pour faire exprès avec un test de corona sur une chauve-souris. Enfin, ça peut venir de là, mais il y a quand même... Ils bouffent n'importe quoi. Il y a quand même... Qui bouffe n'importe quoi ? Ben, les Chinois ne sont pas très propres au niveau... Où ça... Alors, pourquoi est-ce qu'on teste depuis des années ? Mais ici, soit ça pourrait faire mourir... Il y a trop de gens. Parce qu'on ne venait pas à dire que les personnes âgées ont des problèmes de santé, déjà avec leur âge. Et on rajoute des chiffres, c'est économique, on met ceux qui ne sont pas malades. Oui, c'est pas des bêtises. Non, mais tout... Moi, je l'ai appris tard, mais il faut écouter notre chaîne. Quelqu'un m'ouvre les yeux, si vous voulez, RTL ne vous dira jamais. Hein. C'est quelle chaîne que vous écoutez ? Il faut Internet, c'est un... Je lui demanderai, mais... Parce qu'RTB, vous entendez bien que c'est toujours la même chose. Elle doit mentir, malheureusement, c'est pour beaucoup de choses comme ça. Il y a les grippes avant, il y avait des choses plus graves, on n'a pas fait autant d'histoires. Et tous les deux ans, c'est parce qu'en chose d'argent, mais je ne sais pas, voilà, l'expliquer comme lui le dit. Hein, voilà. Mais vous vous rendez... Enfin, moi, ce que je voudrais juste... Je crois que je m'explique. Ça a été, mais... Non, mais ce que je voudrais... Je voulais juste simplement dire, c'est qu'on est obligé... On est obligé de s'en remettre à des médias, et les médias, oui, mais c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'ils disent Bloch, est vrai. C'est ça, Bloch, hein. Je peux comprendre qu'on n'aime pas cette dame-là parce qu'elle ment. C'est pas un ministre de la Santé. Il y en a neuf. Il y a plein d'experts de tout, des scientifiques. Alors, Mme Wilmès, elle écoute malheureusement des versions trop... Ils ne savent pas eux-mêmes, scientifiques, non. Vous voyez, il y a quelque chose. Ils ne sont pas d'accord ni l'un ni l'autre. Et un deuxième pic, on n'y croit pas trop. Enfin, ça a l'air d'aller en Belgique, mais... Ben, moi, si on recommence en confinement, il y a des gens, on va aller voir, en rébellion. Hein, oui, ça ne va pas. Voilà. J'ai une rage, mais je suis content que je sais m'exprimer. C'est la première fois que je le dis. On ne me voit pas mon visage, mais on va m'entendre. Voilà. Ça a été. Ça a été. Si vous voulez une information, je ne sais pas si vous avez beaucoup de versions comme moi, si je peux vous demander. Ben, écoutez, c'est très... Vous avez des opinions différentes. Mais oui, c'est ça que moi qui m'intéresse. C'est dans... comme moi qui pense qu'il y a quelque chose d'autre. Oui, il y a beaucoup. Ah, oui. Il y a des gens qui sont mécontents, qui disent qu'on ne raconte pas la vérité. Puis il y a des gens qui font tout bien comme les médias disent. Vous venez souvent ici, c'est parce que je ne saurais pas si je suis... Ah, mais je vais vous donner une petite carte. Oui, mais je n'entendrai pas mon... Ah, si je... pourquoi vous n'avez pas Internet chez non, vous, c'est ça? Malheureusement. Mais je sais bien qu'on va, on va entendre. Ça passe à la TV. Non, ça passe à la... À la radio et sur Internet. Donc, ça veut dire, je suis quand même bien trop bien exprimé. Mais oui, vous êtes bien exprimé. Mais alors, comme ça, les gens peuvent entendre. C'est pour mais une oui. radio, des opinions que je n'ai pas, malheureusement. Mais oui. Mais Nostalgie, vous entendez bien qu'on parle. C'est des non, mais Nostalgie, je... Non, en mais, tout cas, merci, monsieur. Si ça peut, mais il y a beaucoup de gens qui ont peut-être la même idée que moi. Il y a autre chose derrière, mais c'est long à expliquer, c'est pas facile, l'économie... C'est pas simplement que c'est long, c'est que c'est complètement confus. Peu, oui, voilà. C'est pas simple, parce que... D'une semaine à l'autre, le ministre n'a jamais la même version, non, vous voyez. Compliqué. Ça a quand même été... Voilà, si ça peut faire plaisir, aider les autres... Ben, merci, merci. C'est anonyme, mais... C'est anonyme. Je préfère sa caméra, j'aurais jamais ici. Mais, ah, je veux bien te filmer, mais... Ben, merci, en tout cas. Ça va, ça vous fait... Oui, ben, ça me fait... Ça a été la première fois que je parle à un micro. Ben oui, ça a été, ça a été. Oui, ben... Je vais continuer. Si je vous vois un jour, encore longtemps, par ici. Je traîne des fois par ici, ouais. Ben, vous me direz, si on se voit au hasard... D'accord. Ça va, ça va, on fait voilà. comme ça. Merci, monsieur. Oh, oh, oh, je regarde. Si j'enregistre bien, voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, vous avez un masque, oui. hein, mais pas vraiment mis sur la bouche, un peu... Hein, comme les élèves qui comme les comment on dit vous savez les bons élèves qui ont le casque qui ont le masque oui. le casque qui ont le masque vraiment devant le visage et vous l'avez un petit peu en à partir du menton là vous avez vu juste avant que j'étais en train de fumer une cigarette ouais. excuse bon sinon je le mets le masque je vais à la pharmacie quoi mais c'est pas désagréable mais c'est ennuyant quoi c'est plus ennuyant qu'autre chose le masque oui oui ça c'est pour vous-même quoi pour votre confort mais ouais. Vous voyez les choses comment à regarder enfin dans la rue il y a des personnes qui comment je veux dire qui respectent il y a des personnes qui respectent pas du tout qui sont on dirait même qui sont même pas concernées par le Covid-19 et ça je pense que c'est malheureux en notre temps de pas prendre conscience de cette maladie et de prendre ça à la légère et qu'on voit dans les autres pays que il y a excessivement des morts et que ici en Belgique, un pays développé comme la Belgique, on devrait plus s'appliquer, je pense. Bah, les gens s'appliquent quand même, la majorité. Regardez, tournez-vous, regardez. Voilà. Moi, j'ai déjà vu trois personnes passer sans masque. Mais dans l'espace public, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas parce que vous marchez comme ça que vous allez attraper le corona. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression. J'ai ce sentiment-là, moi, vous voyez. J'espère que ça ne s'attrape pas comme ça, mais. Ah, voilà, donc vous en savez pas plus que moi, hein. Non, personne. Je pense voilà. que c'est une maladie avec un grand point d'interrogation. Mais je pense qu'on devrait s'appliquer un peu plus dans les lieux publics et dans ces endroits-là. Je pense que les gens ne sont pas assez sensibilisés, je pense. Comment vous croyez, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on parle pas assez de ça si dans les médias on en parle, mais ou c'est les gens qui ne prennent pas conscience de la maladie, ou c'est pas bien transmis. Transmis je ne sais pas, moi, quand je vois beaucoup de gens sans masque, quoi, et il y a des personnes qui doivent rester devant la gare pour dire de mettre son masque pour passer, quoi. Et on sait bien que dans un lieu public, si on rentre dans une gare ou dans un autre lieu public, on doit avoir le masque, quoi. Mais moi, ça me fait rigoler tout ça parce que il n'y a aucune certitude de rien. Pour moi, vous hein, voyez, oui, par les médias, on apprend qu'il faut faire ceci, cela. Oui, ou... oui. Mais vous n'avez pas l'air de remettre quoi que ce soit en doute de tout ça, quoi. Vous croyez la chose et donc faisons les choses convenablement, mettons un masque. Mais déjà, on pourra déjà se protéger avec le masque. On sera déjà protégé, déjà une chose. Que si on n'en a pas, on ne serait pas protégé. Pour moi, c'est ça. Si j'ai un masque, moi, je me sentirais protégé. Ou même que moi, je suis malade, ça évitera de propager la maladie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Ouais, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais bon, moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas. Je dois m'appliquer à ce que les personnes au-dessus de nous nous disent, quoi. Mais donc, les personnes au-dessus de vous, au-dessus de nous, vous. Vous remettez rien en question, vous trouvez ça... Non. Maggie de Bloch, elle y est pour quelque chose dans l'histoire, que la Belgique s'y est pris trop tard. Moi, je trouve pas que c'est pas la place de Maggie, cette place. Elle est pas à sa bonne place, cette femme-là. Elle est pas toute seule, hein. Elle est peut-être pas toute seule, mais pour moi, elle est pas dans son. C'est pas la santé, c'est pas son milieu, je pense. Quand vous la voyez, déjà, c'est pas quelqu'un qui est en. Enfin, je veux pas dénigrer la personne, mais pour moi, elle fait pas bien son travail. Pour moi, elle fait pas bien son travail. Et ouais, ce serait parce qu'elle a pas bien fait son travail qu'on en est là. Il y a beaucoup de pays qui ont mal fait leur travail, qui ont négligé, qui croyaient que c'était un bête truc comme ça qui allait passer et que ils se sont rendus compte, mais il était trop tard. Et ils ont pas pris de précautions. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On essaie de minimiser la chose. Voilà. Pour moi, ils minimisent la chose à fond, quoi. Hein. Et que la chose, pour moi, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le croit, même. C'est génial parce que, en discutant avec les gens, il y a des gens comme vous qui disent, comme ça, qu'on minimise la chose, et en même temps, il y a d'autres gens qui disent que c'est exagéré, que ça prend une ampleur de dingue, tout ça. C'est rigolo, hein ? Non, mais c'est rigolo qu'il y a déjà plusieurs manières de voir. La situation, c'est déjà intéressant. Il faut voir comment on voit la chose déjà, de quelle façon, de quelle fenêtre on voit la maladie. Quoi. Mais vous, de quelle fenêtre vous la voyez? Moi, j'ai déjà un certain âge, déjà, j'ai 55 ans, donc moi, je ne suis pas comme un jeune, donc je me sens déjà beaucoup plus concerné qu'un jeune. Quoi. Ouais, enfin, vous me semblez moi que c'était vraiment les plus vieux, quoi. Oui, mais 50 ans, 55 ans, c'est déjà une bonne tranche. J'ai vu pas mal de personnes qui sont... Ben voilà, maintenant, tout le monde fait ce qu'il veut, mais je pense qu'on devrait s'appliquer et essayer de... Quand c'est les quarantaines, qu'on ne doit pas sortir, qu'on ne sort pas de chez soi, et de s'appliquer. Pour moi, c'est de s'appliquer au maximum, je pense. Ok, mais j'entends. Mais de toute façon, moi aussi, vous savez, je suis larguée. Hein. Je discute avec les gens, j'en sais pas plus. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment de voir les gens obéir, quoi. Obéir à quoi? À une télé qui vous dit comment il faut penser ou comment il faut pas penser, vous voyez? Oui. C'est ça, moi, qui m'intéressait, quoi. Oh, ça, c'est vrai, mais nous, en tant que citoyens... Comment vous pouvez savoir la vérité? Comment, si demain on vous dit... La vérité, on ne le saura pas. Voilà. Si demain on vous dit vous devez sauter sur un pied en sortant de chez vous, vous allez le faire parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'était ça plutôt moi ma... Non, ça je ne le ferai pas. Mais j'essaierai de prendre un maximum de précautions. Personnellement, j'essaierai de prendre un maximum de précautions. Quoi. C'est ce que vous faites là maintenant. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire et... Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais il y a quand même une minorité de personnes qui ne sont pas concernées par... Mais tant mieux, moi, je dis, parce que si on était tous à faire la même chose, à obéir au doigt et à l'œil face à un média qui vous dit des choses, ce serait horrible, ça ferait peur. Il n'y a pas qu'un seul média. Par exemple, ce serait que le média belge ou le média français. Mais ici, c'est mondial. C'est dans le monde entier et on parle tous de la même. Non, c'est pas dans le monde, hein, c'est la demi, c'est pas mondial, oui, c'est pas tout le monde. Oui, mais je veux dire, il y a beaucoup de pays qui sont concernés, quoi. La demi, on va dire. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées et quand. Ouais, et tout le monde obéit, en gros, hein, monsieur. Mais on ne sait pas ce que c'est comme maladie. Voilà. Nous, on ne sait pas ce que c'est comme maladie. On nous dit, voilà, vous devez mettre un masque pour vous protéger. Ils disent que ça s'attrape par des postillonnements ou quand on parle, vous et moi, par exemple, ou contact. Mais voilà, si tout... Après, allez vite vous laver les mains et la bouche. Hein. Oui, je pense. Voilà, d'abord, il ne voulait pas, puis maintenant, il veut bien. Hein? Et toi, tu n'as pas de masque? Non, moi je ne porte pas de masque, enfin à part dans les gares parce qu'il le faut, sinon il y a une amende, mais sinon dehors je ne vois pas l'utilité, on n'est pas assez nombreux que pour qu'on l'attrape les uns les autres, quoi. Comment t'es sûr de ça? Je sais pas, parce qu'il y a du vent, etc., et que je suis sûr que ça sèche dans l'air ou un truc comme ça, ça retombe par terre avec la gravité, j'en sais rien, mais voilà quoi, on n'est pas assez nombreux de toute façon, enfin, je pense. Tu penses, t'es pas plus sûr que ça? Non, mais en fait moi personnellement je suis jeune, donc je pense pas que ça me tuerait. Donc c'est pour ça que je m'en fous un petit peu en fait. Et les gens qui portent un masque, qu'est-ce que t'en penses? Tu les prends pour des imbéciles ou... c'est moi qui dis ça, hein. J'ai jamais dit que t'avais dit ça, hein, mais comment tu les vois? Je les vois très prévoyants et je vois qu'ils ont peur et pour beaucoup d'entre eux, ouais, ça peut les tuer, donc je comprends qu'ils en arrivent là, quoi. C'est excellent. Donc toi, il n'y a pas de danger pour toi, mais pour les autres, tu trouves ça tout à fait correct et voilà. Donc, ça, hein, ta logique. Oui, c'est bien ça. Pour moi, c'est juste ça, quoi. Et au niveau politique, comment est-ce que tu vois les choses? Comment t'as appris la nouvelle? Ça t'a fait quoi? Être 2 mois en confinement, etc. J'ai trouvé ça un petit peu ennuyant parce que je pouvais plus sortir, etc. Donc on était vraiment très renfermés. Mais je trouve que c'est une bonne idée, au moins ça limite les contagions et tout ce qu'il y a. Et le fait de déconfiner les écoles, je pense vraiment que c'est une mauvaise idée, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, dans les écoles, c'est des bâtiments assez fermés, ils sont nombreux les enfants et les ados, etc. Et vu qu'ils sont susceptibles d'en mourir, je trouve qu'on devrait supprimer les écoles jusqu'au moins septembre de l'année prochaine, jusqu'à quand ce soit terminé en fait. Ça tient pas la route ce que tu dis, hein. Tu dis toi que t'es un jeune, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Donc t'es un jeune, t'es immunisé, il peut rien t'arriver. Et tu dis, à côté de ça, que déconfiner l'école, c'est pas bien parce qu'ils vont tous mourir, ils sont tous les uns près des autres. Alors là, explique-moi, c'est quoi la logique? Ça c'est parce que je sais pas. Moi je vois, j'ai ma vision des choses, mais je mets quand même mon masque dans les gares, etc. C'est pas ça, mais... je sais pas, moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est plus pour les enfants, eux ils vont mourir, je suis sûr que moi non, parce que j'ai pas de problème de santé, etc. Pourquoi les enfants ils mourraient? Ils ont moins de défense immunitaire, ils sont moins développés, c'est les enfants et les personnes âgées qui en meurent en fait en général, d'après ce que j'ai suivi. Ouais, moi c'est pas comme ça que... Ah ok, donc... J'ai entendu que les enfants, ça allait plutôt pour eux, hein. Ah non, moi je sais pas, moi c'est ce que j'ai entendu des échos, mais je regarde pas la radio ni la télé, enfin, j'écoute pas souvent les infos. Donc moi c'est du. C'est des gens, des amis à moi qui m'ont dit. Qui m'ont transmis l'information, quoi. Mais donc tu trouves pas ça intéressant de se dire qu'on est informé uniquement par un canal qui est pas le nôtre? C'est-à-dire, tu sais, c'est pas notre entourage, on est informé par un canal qui est la télévision ou Internet. Et on sait pas plus que ça, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si... tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, l'État est obligé de nous dire la vérité pour nous protéger. Et peut-être qu'ils exagèrent un petit peu aussi, mais c'est pour notre bien, quoi. Vraiment. Et que voilà, quoi. Non. Ah ouais, ok. Donc, pas de remise en cause des médias, quoi. Ils disent la vérité. Pour moi, oui, pour la plupart. Bon, ils savent pas tout, parce qu'il y a bien sûr des... ils sont pas partout, etc. Mais pour moi, ils nous disent le maximum d'informations pour mieux nous protéger. Ok. Et tu regardes quoi comme média en règle générale? Ça m'est déjà arrivé de regarder RTL Info et aussi sur la RTBF. Donc la je ne sais plus si c'est la première, je ne sais plus. Mais RTBF et RTL Info, comme c'est tout. Ouais. Merci à toi. J'en reviens pas que tu dises, que tu remettes... J'aimerais bien être comme toi, croire ce que les médias nous disent. Ils font ça pour notre bien, en fait, c'est ça que je dis. Pense. Mais ils devraient justement encore plus exagérer pour être sûr. Vraiment, plus exagérer, ouais, dans quel sens? Il faut faire peur à la population, comme ça les gens prennent plus de précautions et prennent ça plus au sérieux, parce que les gens, ils se disent un peu comme moi, c'est pas grave, etc. Mais s'ils l'attrapent, ils vont pas forcément en mourir, mais ils vont toujours se balader sans protection, pas se laver les mains, etc. et le transmettre. Donc il faut vraiment, même si tu te sais que t'as 20 ans et que t'es immunisé, etc., il faut vraiment... faire plus peur, il faut vraiment montrer... Mais un exemple pour qu'on comprenne, comment ils pourraient faire plus peur? Je sais pas, en disant que même si t'as 20 ans, etc., et même plus, hein, mais qu'il y a quand même des risques, exagérer la chose, quoi. Oui, mais donne un exemple, mais exagérer comment? Comment ils pourraient faire pour que tu aies peur, toi, et que tu mettes un masque dès le réveil le matin jusqu'au coucher le soir? Franchement, je sais pas. Essaye de trouver là maintenant, parce que c'est très bien de dire il devrait faire ci ou il devrait faire ça. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Un exemple concret pour que tu aies peur et que tu mettes un masque maintenant dans la rue? Peut-être exagérer le nombre d'infectés et de décès. Comme ça, les gens ils voient que c'est quand même, il y a plus d'ampleur, quoi. Ah ouais, pas mal, pas mal. Donc voilà, quoi. Merci à toi. Hein. Pas de soucis, merci. Bonne route. Merci. Merci. Je peux vous poser une question ? Bonjour. Ah non, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Bonjour. Si vous voulez pas parler, vous parlez pas. Moi, je vous force pas. C'est pour quoi, madame ? C'est pour poser la question des masques et des pas masques. Je me demandais pourquoi il y a des gens qui décident de porter un masque et d'autres qui décident de pas porter de masque. J'ai aucune idée. Vous voulez... non ? Ou bien vous en foutez ? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas qu'on s'en fout, mais voilà. C'est vrai, non, c'est vrai qu'on s'en fout. Hein. Ça, ouais, sert non, à... ouais. Ça sert à rien, le masque ? Ouais, j'approche pas les gens, ils restent loin. Enfin, vous voyez ce que je veux ? On garde nos trucs séparés, donc... qu'on a un masque ou pas, si on est loin, ça va, posera pas problème. Non ? Ah ben, voyez, moi, j'ai pas de masque non plus. Mais vous avez un masque à moitié, quand même, pour jouer. Si jamais on vous ennuie, hop, ouais, vous mettez le masque, ouais, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le choix, hein. Sinon, on a des amendes, 130 oui. euros. Parce qu'il y a quand même la pression qui dit... Mais dans l'espace public, c'est pas obligatoire. Hein. Non. Je sais, mais voilà, quoi. Mais ils font trop vite, ils ouvrent trop les magasins, ça va retomber, la maladie. Ah ouais ? Ouais, ça va retomber, je suis sûr. Quoi, vous voyez ça comment ? Ça va retomber, ça veut dire quoi ? Qu'on va retomber en confinement ? Ouais, la deuxième vague, quoi. Il laisse trop les gens partir, je trouve, pas toi ? Mais quoi, le... Vous informez comment ? Via les médias, comme tout le monde, la télé, donc... Parce que moi, je discute avec les gens, vraiment, je pose à plein de gens la question. Tu dis ? Je vous ai vu là tout à l'heure, donc... Et la question, c'est de se dire, il y a des gens qui remettent complètement en cause ce que disent les médias, qui sont manipulés, que les médias racontent des mensonges, que... Il y a déjà un truc, ils disent de mettre des masques, on doit les payer nous autres. Pourquoi s'ils ne les donnent pas ? Ceux qui n'ont pas d'argent, il faut comment ? Moi, je suis à la rue, je n'ai pas d'argent. C'est parce qu'on me l'a donné ou si je n'avais pas de masque ? Ça fait 3-4 jours que je l'ai. Sinon, voilà, je n'ai pas de masque, ils s'en foutent les gens. Et donc vous croyez vraiment qu'il y a une maladie qui est là et qui va se propager et qu'il faut se protéger oui, ils ouvrent trop les magasins, trop vite. Ils ouvrent trop, moi je trouve. Trop vite. Mais moi, vous me regardez, hein, j'ai pas la vérité. Hein, moi, comme vous, j'en sais pas plus que ça, vous voyez. Mais voilà quoi. Le truc, c'est le coronavirus, ça a été inventé par les Chinois pour éliminer les vieux, on va dire, les trucs comme ça, ce que j'ai entendu, moi. C'était pour éliminer les vieux, les personnes qui... Ah ouais, les personnes âgées, parce qu'ils perdaient trop de thunes, alors c'est pour, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce qu'ils ont dit, que les jeunes, ils pouvaient moins l'attraper, donc c'est comme si c'était fait plus pour les vieux, pour être tranquille, je sais pas ce que j'avais entendu. Ouais, j'ai aussi entendu ça. Ah bah ouais, je suis pas la seule, ça me rassure. Ah ouais, mais on sait plus quoi croire. On sait plus quoi, voilà. C'est ça le problème, quoi. On sait plus quoi croire. Et je vois que t'as un œil au... Ça va ? Tu t'es battu en... Comment on dit ? Non, t'inquiète, hein, il n'y a pas de caméra, on ne voit pas, c'est anonyme. Tu t'es battu en période de confinement ? En période de déconfinement ? Pour une bonne cause, au moins. Une bonne cause ? T'as un œil au beurre noir pour une bonne cause ? Ok. Tu ne veux pas en parler. Bon, ben merci, les gars. Merci. Je crois qu'il y a des gens encore là-bas. Non, il y a tout un groupe là-bas, j'ai vu.